La France est-elle coupable? Directement ou indirectement, porte-t-elle une responsabilité dans le drame rwandais de 1994, un génocide qui a causé, au bas mot, la mort de 800 000 personnes, peut-être même 1 million? La question est récurrente depuis de nombreuses années, et ici même, nous en avons déjà parlé avec M. X. Mais, au beau milieu de l'été dernier, l'affaire a rebondi de façon spectaculaire avec la parution d'un gros rapport rédigé à l'initiative du gouvernement rwandais. Un véritable réquisitoire contre l'action de la France et des accusations extrêmement graves qui, de l'avis des meilleurs spécialistes du dossier, ne peuvent pas être traitées par le mépris et mises simplement sur le compte de la rancœur et de la revanche. Ce document de plus de 300 pages fourmille en effet de témoignages très précis et relate des faits difficilement contestables. C'est pourquoi j'ai demandé à M. X d'ouvrir à nouveau ce douloureux dossier. Un mot auparavant. En 1998, les parlementaires français, et il s'agissait d'une première, ont créé une mission d'information sur les opérations militaires menées par la France au Rwanda. Présidée par l'ancien ministre de la Défense Paul Quilès, cette mission, après 9 mois de travail et de nombreuses auditions, a souligné, je cite le journal Le Monde, les erreurs, les fautes et l'aveuglement de la France avant le génocide. Elle a aussi critiqué l'opacité de sa politique africaine, domaine réservé de l'Élysée. Toutefois, elle a conclu de façon assez paradoxale que Paris n'avait aucune responsabilité dans les massacres de 1994. Alors, qu'en est-il exactement? Monsieur X essaie d'y voir plus clair. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war. It's a war. War in the East, war in the West, war up north, war down south, war, war, rumors of a war, and until that day, the African continent will not know peace. Find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Les accusations contre la France ne sont pas nouvelles. Très rapidement, le pouvoir rwandais, issu de la guerre civile, mais aussi les survivants du génocide, ont mis en cause Paris, coupable de partialité dans la guerre ethnique qui a opposé les Hutus et les Tutsis. La France ayant choisi quand même le camp des massacreurs Hutus. Et depuis fort longtemps, car si la tragédie a culminé en 1994, elle a commencé bien avant. Enfin, quoi qu'il en soit, cette mise en cause de la France, relayée par la presse et de nombreux témoignages, provoque un tel tumulte qu'en 1998, les députés se saisissent de l'affaire et créent une commission d'enquête. Et ces conclusions ne sont guère tendres pour les autorités de l'époque. Hein. C'est-à-dire essentiellement le président Mitterrand et son premier ministre Balladur. En 2004, nouvel épisode. Le juge antiterroriste Bruguière lance un vrai pavé dans la mare. Ce bouillant magistrat, il faut préciser, instruit une plainte déposée par la famille de l'un des pilotes français de l'avion du président rwandais Oudou, Juvénal Habyarimana. Et c'est l'attentat contre cet appareil qui a été l'événement déclencheur du massacre généralisé de 1994. Donc, à l'issue de son enquête, Bruguière délivre 9 mandats d'arrêt internationaux contre des proches du président rwandais actuel, le Tutsi Paul Kagame. C'est pas rien, 9 mandats. Hein. Et ils sont accusés d'avoir perpétré l'attentat contre l'avion du prédécesseur de ce dernier. Et ça revient à mettre en cause directement Kagame. En effet, car le magistrat estime que Kagame, malgré l'immunité due à sa qualité de chef d'État, devrait être lui-même traduit devant le TPIR, c'est-à-dire le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Réaction de Kagame. Fâché, mais très fâché. Le président rwandais rompt avec Paris et notre ambassadeur à Kigali doit faire ses valises. Il faut dire que Bruguière a sorti ses accusations d'une analyse gravissime. Selon lui, Paul Kagame aurait pris l'initiative de commanditer cet attentat dans le seul but de parvenir au pouvoir, quitte à provoquer un véritable génocide chez les siens. Ouais, enfin, car toujours selon Bruguière, il savait que l'attentat contre le président Habyarimana provoquerait inévitablement la fureur de ses partisans, c'est-à-dire les Hutus. Ouais, et devant l'horreur suscitée dans le monde entier par un tel massacre, il pourrait lancer ses troupes à l'assaut de Kigali et triompher sans que la communauté internationale ne proteste. Je dois ajouter que le juge d'instruction français n'a pas été le premier à soutenir cette thèse. Et même, un peu plus tard, le journaliste et écrivain Pierre Péan a lui aussi accusé Kagame au terme d'une très longue enquête. Oui, je sais, j'ai lu. Mais attendez, ne s'agissait-il pas pour Péan d'établir d'abord l'innocence de nos dirigeants soupçonnés d'avoir aidé, sinon soutenu, les génocidaires? C'est en partie vrai, mais je veux souligner tout de suite que Péan est un grand journaliste qui a donné par le passé maintes preuves de son talent d'investigateur. En tout cas, il ne mérite pas le procès qu'on lui fait depuis. Poursuivons. Kagame ne s'est pas contenté de la rupture avec Paris, il a aussi décidé de répliquer à sa façon. En commandant là, ce rapport publié cet été. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit de la réponse du berger à la bergère. Ouais. Mais on se tromperait en pensant qu'il ne s'agissait pour Kagame que de prendre sa revanche sur Bruguière. Car il y a dans ce rapport des éléments bien embarrassants pour la France. Alors, si vous le voulez bien, voyons de plus près l'évolution de nos relations avec le Rwanda. Alors, le Rwanda, pour commencer, ancienne colonie belge. Hein. Et donc francophone. Il y existe 2 ethnies rivales, les Tutsis et les Hutus. Encore que... Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Bon, il n'est pas certain qu'il s'agisse vraiment d'ethnies, mais plutôt de 2 branches issues d'un tronc commun. En fait, au fil des ans, cette différence est devenue plus sociale qu'ethnique. Et elle a été exacerbée par le colonisateur. Ouais, ça, c'est divisé pour mieux régner. D'abord avec les Tutsis, puis avec les Hutus. J'ajoute qu'on a tout fait pour différencier les 2 groupes. À commencer par les mentions d'origine portées sur les cartes d'identité. Quoi qu'il en soit, c'est en 1959 qu'on assiste aux premières émeutes ethniques. Avant même l'indépendance, donc. Oui, les Hutus, avec la bénédiction des autorités coloniales belges, s'en prennent violemment aux Tutsis, dont certains sont chassés vers l'Ouganda. Des milliers d'autres sont massacrés. Et à partir de ce moment, on assistera dans le pays à de brusques et régulières flambées de violence entre les 2 communautés. Alors, mais la France maintenant. En 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, un accord de coopération militaire a été très discrètement signé avec le Rwanda. Toutefois, jusqu'en 1990, la France ne s'est pas vraiment intéressée au petit Rwanda. Mais que se passe-t-il en 1990? En octobre, des Tutsis regroupés au sein du FPR, le Front Patriotique Rwandais, attaquent au nord du pays. Ils viennent donc d'Ouganda. Ils ont d'ailleurs participé militairement à la guerre civile qui a porté au pouvoir le nouveau président ougandais, Yoweri Museveni. En retour, celui-ci n'a pas ménagé ses encouragements et son aide à ses alliés qui entendent renverser le gouvernement rwandais formé de Hutus, l'ethnie majoritaire. En 1990, c'est donc une véritable guerre qui commence. Et le FPR est un ennemi redoutable. Ses troupes sont bien formées, bien armées. Pour la première fois, la menace est vraiment sérieuse. Le président Habyarimana prend peur. Lorsque l'offensive du FPR est déclenchée, il est en voyage aux États-Unis. Mais au lieu de rentrer directement chez lui, il fait un détour par l'Europe. Quoi, pour demander de l'aide? Bien entendu. Mais à qui peut-il s'adresser? D'abord à la Belgique, presque naturellement. Le roi Baudouin prête une oreille favorable aux demandes du président Habyarimana. Et 400 parabelges s'envolent pour le Rwanda. Mais leur mission est limitée. Ils doivent évacuer les expatriés et ils repartent dès qu'ils ont accompli leur mission. Alors, Habyarimana s'adresse à la France. Oui, c'est-à-dire au nom des accords militaires passés sous Giscard d'Estaing en 1975. Exactement. Habyarimana demande à Paris de respecter ses engagements. Aussitôt, l'Élysée voit là une occasion d'élargir sa sphère d'influence dans la région des Grands Lacs de l'Est africain, largement anglophone. Or, les rebelles viennent de l'Ouganda anglophone. Et certains n'hésitent pas à affirmer que derrière les Tutsis du FPR, il y a la main de la CIA. Ouais. Car les Américains, eux aussi, veulent prendre pied en Afrique. D'autre part, François Mitterrand connaît bien Juvénal Habyarimana. Le président rwandais était l'un des chefs d'État africains qui a chaleureusement applaudi le fameux discours de Mitterrand au sommet de la Baule en juin 1990. Ouais, le sommet franco-africain au cours duquel le président français a demandé aux dirigeants africains de faire progresser la démocratie sur le continent. Et d'en finir avec les partis uniques. Donc, à la Baule, Mitterrand a été favorablement impressionné par Habyarimana, qui était par ailleurs un homme cultivé. Aussi, lorsque le président rwandais l'appelle au secours, Mitterrand réagit immédiatement et ordonne l'envoi de parafrançais au Rwanda. C'est ce qu'on va appeler l'opération Norrois. Et là aussi, le prétexte est humanitaire. Évidemment. Il faut protéger les Français et les Belges. Mais ce prétexte ne fera pas longtemps illusion. Les parafrançais, presque 600 hommes, sont bien là pour soutenir l'armée rwandaise qui se bat contre les troupes tutsis du FPR. Alors, ça veut dire que Paris considère qu'il s'agit d'une agression extérieure. Hein? Absolument. Pour l'Élysée qui pilote en direct l'opération Norrois, le Rwanda est attaqué. Pourtant, ces Tutsis-là sont des Rwandais qui ont été chassés de chez eux par le racisme Hutu. Ah ouais, Paris ne veut pas en tenir compte. Les Hutus sont largement majoritaires dans le pays. Donc le gouvernement du président Habyarimana est légitime. Ah ouais. Quant à leurs adversaires, les Tutsis du FPR, le chef d'état-major particulier de Mitterrand, n'hésitera pas à les traiter de Khmer Noir. Khmer Noir, oui. Alors, à Paris, est-ce qu'on... On se rend compte que cette intervention militaire de la France risque d'envenimer la situation. Je ne crois pas. Et pourtant, très tôt, notre ambassadeur à Kigali met en garde l'Élysée en affirmant qu'un conflit ethnique de grande ampleur peut éclater à tout moment. Mais alors, Mitterrand n'écoute pas ? Non, il pense au contraire que notre intervention militaire contiendra les risques de conflit. Et qu'un jour ou l'autre, grâce à la France, les adversaires se rencontreront autour d'une table de négociation. Pourtant, sur place, de nombreux signes indiquent que l'époque n'est pas à l'apaisement. Ah oui, mais par exemple alors. Les parafrançais sont à peine arrivés sur place que le pouvoir rwandais se livre à une véritable provocation. Rendez-vous avec X. Les troupes françaises arrivent au Rwanda en octobre 1990. La situation est déjà très tendue. Dans Le Monde du 3 juillet 2007, sous la signature de Piotr Smolar, on lit ceci. Déjà, les prémices du génocide étaient visibles. En ce début octobre 1990, plusieurs milliers de personnes sont arrêtées arbitrairement dans la capitale. Elles ont le tort d'être Tutsis ou d'avoir des intérêts communs avec des Tutsis. La France fournit néanmoins des munitions en masse à l'armée régulière, les FAR, forces armées rwandaises. Le 12 octobre, le colonel Galinier, attaché de défense à Kigali, s'alarme dans un télégramme diplomatique de la multiplication de ces arrestations. Il est à craindre que ce conflit finisse par dégénérer en guerre ethnique, ajoute-t-il. Le lendemain, son supérieur, l'ambassadeur Georges Martre, précise « Les paysans Hutus, organisés par le MRND, c'est-à-dire le parti du président, ont intensifié la recherche des Tutsis suspects dans les collines. Des massacres sont signalés dans la région de Kibilira. Les paysans, fidèles au régime, participent de plus en plus à l'action militaire à travers des groupes d'autodéfense armés d'arcs et de machettes. » Vous avez parlé de provocation. Le pouvoir rwandais met en scène une fausse attaque de la capitale, Kigali. Et il en profite pour organiser une vaste campagne d'arrestation. Campagne suivie par de nombreux massacres de civils. Des massacres alors, dont les Français sont témoins. Bah, il aurait difficile de les ignorer. Et à Paris même, enfin, personne ne tente de s'opposer à notre intervention militaire ? Pas vraiment, non. Le Rwanda n'intéresse pas grand monde. Et même si les ministres concernés, ceux de la Défense et des Affaires étrangères, ne sont guère enthousiastes à l'idée de voir le contingent français demeurer sur place, cette affaire ressort du domaine réservé du président de la République. Ouais, ça. Mais enfin, que font nos soldats au Rwanda ? Est-ce qu'ils sont directement impliqués ? En principe, non. Paris a même exclu toute présence active dans la zone des combats. Mais la réalité est bien différente. On a vu des militaires français piloter des hélicoptères de combat rwandais, mener des actions de reconnaissance en profondeur ou faire la police à Kigali. D'autres soldats présents sur le front ont par exemple réglé la hausse des pièces d'artillerie. Bon, bien sûr, au dernier moment, ce n'est pas l'artilleur français qui tirait. Mais quelle est la différence ? Toutefois, l'aspect le plus important de cette coopération militaire, c'est la formation. La formation des Rwandais. L'armée rwandaise, en 1990, ne compte que quelques milliers de soldats pas très motivés et guère entraînés. Paris décide donc de prendre les choses en main. Des officiers instructeurs sont envoyés au Rwanda. Et l'armée rwandaise voit ses effectifs grossir dans des proportions considérables. En 1992, il y aura jusqu'à 50 000 soldats rwandais. Cependant, lors de chaque nouvelle attaque des rebelles du Nord, le soutien militaire français sera indispensable. Mais il y a des points encore plus préoccupants. Mais à quoi alors ? Bah, d'abord, il est établi que des gendarmes français du corps expéditionnaire ont aidé les autorités rwandaises à établir un fichier informatisé des personnes jugées suspectes par Kigali. Mais suspectes, c'est-à-dire ? Bah, essentiellement des Tutsis. Mais aussi des Hutus jugés trop tièdes. Ah oui, pas assez anti-Tutsis. C'est ça. Et vous imaginez quel usage sera fait de ce fichier lorsque le génocide commencera. Ensuite, les Français ne se contentent pas d'instruire les soldats rwandais, ils forment aussi des miliciens Hutus. Les membres de ces milices, Interahamwe, qui vont jouer le rôle tellement sinistre lors du génocide. Ce qui accroît encore la responsabilité de la France. Bien entendu. Mais pour être tout à fait honnête, il me faut dire que les formateurs français ont affirmé qu'il leur était souvent difficile de faire la distinction entre les vrais soldats et les miliciens. Admettons. En tout cas, ça veut dire que nous étions de plus en plus engagés au Rwanda. Et d'autant que cette assistance militaire s'accompagne de livraisons d'armes et de matériel. Des missiles, des hélicoptères, des pièces d'artillerie. On doit même puiser dans les stocks de l'armée française pour approvisionner les Rwandais. Ah ouais. Mais comme toujours, il faut aussi compter avec des filières beaucoup moins officielles. Ah quoi, des marchands d'armes ? Bien sûr. En tout cas, cette guerre se traduit par un véritable désastre humanitaire. Au nord du pays, des centaines de milliers de Hutus fuient leur village, menacés par les Tutsis du FPR. Et ces pauvres gens viennent s'entasser à Kigali. Mais dans le reste du pays, on assiste à de nombreux massacres commis par des groupes extrémistes Hutus. Certains appartenant directement au parti du président Habyarimana. Je vous repose la question là. Ces tueries sont-elles connues des militaires français présents sur place ? Comment pourrait-il en être autrement ? En 1992, le numéro 2 du parti de Juvénal Habyarimana prononce un discours terrifiant. Il engage ses partisans à exterminer les familles des Tutsis appartenant au FPR. Celui à qui vous n'aurez pas tranché la tête sera celui qui tranchera la vôtre. un an plus tard, en 1993, une mission des Nations Unies émet le même pronostic. Alors, comment expliquer ce qui paraît être l'aveuglement français ? Abandonner le Rwanda, ça aurait été reconnaître que depuis 1990, notre pays faisait fausse route là-bas. Et puis, le président Mitterrand ne désespérait pas d'obtenir un accord politique entre les belligérants. Il pensait qu'il était le mieux placé pour faire pression sur Habyarimana et l'amener à la table des négociations, afin d'aboutir à une représentation plus juste des ethnies au sein du gouvernement. Est-ce que cette négociation, souhaitée par Mitterrand, il faut le rappeler, a réellement eu lieu ? Elle s'engage en janvier 1993, en Tanzanie, à Arusha exactement. Un accord est signé entre le FPR et le gouvernement de Kigali. Sous la pression de la France ? Naturellement. Mais Habyarimana le remet presque aussitôt en cause. Mais pourquoi alors ? C'est clair, il ne veut pas partager le pouvoir avec les Tutsis. En outre, il a l'impression que cet accord lui a été imposé et qu'il a été placé devant le fait accompli. Ça veut dire que la guerre recommence. Et on pense même que les troupes du FPR vont s'emparer de Kigali. Alors, comme d'habitude, Habyarimana fait appel à la France. Et Mitterrand envoie 150 hommes du 21e régiment d'infanterie de marine qui doivent agir en soutien arrière de l'armée rwandaise. Mais tout ça, ça suffit à juguler l'offensive des Tutsis du FPR ? Non, la situation devient de plus en plus périlleuse pour Habyarimana. D'autant que le FPR est maintenant soutenu par 5 bataillons ougandais. Alors là, on peut vraiment parler d'agression extérieure. Et ça détermine l'Élysée à envoyer de nouvelles troupes au Rwanda. Au total, il y a maintenant 700 militaires français là-bas. Il est toujours plus difficile de se désengager, parce qu'on peut craindre des massacres de Hutus par les Tutsis. Alors, Mitterrand pense à l'ONU, puisque désormais l'Ouganda est entré officiellement dans le jeu. Et effectivement, le Conseil de sécurité adopte une résolution prévoyant le déploiement d'une force de contrôle. Une force alors qui remplacerait les troupes françaises. Mais sur ces entrefaites à Paris, une nouvelle cohabitation commence. Ah oui, avec Édouard Balladur comme Premier ministre. Et François Léotard comme ministre de la Défense. Et ça change quelque chose dans la gestion de la crise rwandaise ? Balladur et Léotard, à l'inverse du ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, sont partisans de renforcer encore notre contingent au Rwanda. Parce que, comme trop souvent, l'ONU tergiverse et tarde à envoyer les casques bleus. Et Mitterrand, lui Il partagerait plutôt l'avis de Juppé. Il trouve qu'on est trop engagé. Mais c'est quand même lui le principal responsable de cet état de choses. Certainement. Toutefois, on n'aura pas besoin d'envoyer de nouvelles troupes, parce que soudain, la tension décroît. Le FPR desserre son étreinte sur la capitale. Et les belligérants retournent à la table de négociation, toujours à Arusha. Ouais, donc un nouvel accord est conclu. Oui, en août 93. Cet accord prévoit la transition démocratique, la fusion des deux armées belligérantes au sein d'une armée nationale et l'envoi sur place de forces de l'ONU. Ce sera la MINUAR, mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. Et elle comprendra 2500 hommes. Ouais, pas mal. Et les troupes françaises alors ? Elles quitteront le Rwanda dès que les troupes de l'ONU débarqueront. Seuls resteront officiellement quelques conseillers militaires. Cependant, malgré l'accord d'Arusha, des armes continuent à parvenir au Hutus de l'armée rwandaise. Clandestinement ? Et ce sont malheureusement souvent des Français qui sont à l'origine de ces livraisons. Ainsi, à la fin de l'année 93, on note un peu partout dans le pays que se sont constitués des groupes d'autodéfense Hutu qui reçoivent des armes neuves, machettes, fusils d'assaut, grenades. D'autre part, une radio, la tristement célèbre Radio des Mille Collines, ne cesse de lancer sur ses ondes des appels à la haine contre les Tutsis et à l'extermination de l'ennemi intérieur. On peut donc penser que le calme qui a suivi les accords d'Arusha est précaire. Et qu'il suffira d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Ouais. Et ça, c'est l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Et c'est en effet le signal qui déclenchera le génocide, seulement une heure après l'attentat. Ça montre bien que tout cela n'était nullement spontané. Et l'attentat est le génocide. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Sur l'engagement militaire de la France au Rwanda, la journaliste belge Colette Breckmann donne des détails très précis. Les hommes des forces spéciales françaises participent directement et en uniforme aux interrogatoires musclés, entre guillemets, des prisonniers du FPR et les questionnent sur la stratégie poursuivie, la logistique, les contacts avec l'extérieur, les sources de financement. La plupart d'entre eux opèrent sous des noms de code qui commencent par la première lettre de leur nom. Pour en savoir plus, les Français mèneront même des actions en profondeur, tellement profondes qu'elles les conduiront en territoire ougandais, à l'arrière des lignes du FPR, afin de mesurer l'ampleur de l'aide apportée par Kampala aux rebelles. Le rôle du DAMI, détachement d'assistance militaire et d'instruction, est plus ambigu encore. Ces hommes, au nombre d'une trentaine, ne sont pas seulement présents sur le terrain, ils participent directement à la formation des recrues rwandaises et, selon certains témoignages, à l'entraînement des milices. Cette citation de Colette Breckmann est extraite de son livre « Rwanda, histoire d'un génocide » paru chez Fayard. Ne revenons pas sur les circonstances exactes de l'attentat qui a coûté la vie au président rwandais, à son homologue du Burundi et au pilote français, car nous en avons déjà parlé. Et puis la lumière n'a jamais été faite sur l'identité des assassins. Ni sur celle des commanditaires. Et vous le savez, on peut émettre de nombreuses hypothèses. Alors, continuons à examiner, comme vous me l'avez demandé, les responsabilités françaises. Lorsque le génocide commence, je vous le rappelle, le gros des troupes françaises est parti. Oui, c'est dans la place au casque bleu. Hein. Et tous nos soldats n'ont pas quitté leur monde. Alors justement, comment réagit Paris lorsque les premiers massacres commencent? C'est que, assez vite, les associations humanitaires donnent l'alerte. Et d'abord, est-ce qu'on mesure l'ampleur du génocide? Sans doute. Mais la France qui lance l'opération Amaryllis avec ses militaires demeurés sur place se préoccupe d'abord d'évacuer ses ressortissants et aussi la famille et les proches du président Habyarimana. Et parmi eux se trouvent des gens qui n'ont cessé d'appeler à l'extermination des Tutsis. On continue donc d'appuyer les Hutus. C'est l'impression que ça donne. Ouais. Et fin avril, alors que des centaines de milliers de Tutsis ont déjà été assassinés, des responsables de ce gouvernement de massacreurs seront reçus officiellement à l'Élysée et Matignon. Il y a pourtant encore plus grave. Selon des témoignages concordants, au cours de cette opération Amaryllis, on aurait opéré une sorte de tri. Le tri, expliquer. Hein. Des Tutsis, voulant quitter le territoire pour échapper aux tueurs, auraient été repoussés par les soldats français. Ça a été le cas devant l'aéroport. Ces malheureux, rejetés derrière les barrières, ont été immédiatement assassinés. Donc pratiquement sous les yeux de nos soldats, alors. C'est malheureusement probable. Au reste, dans ces premiers jours du génocide, la France n'est pas la seule coupable. C'est toute la communauté internationale qui semble frappée d'aveuglement, à commencer par les Nations Unies. Pourtant, sur place, il y a les casques bleus. 2500. Mmh. Mais 10 d'entre eux, des Belges, ont été immédiatement assassinés. Bruxelles décide aussitôt de rapatrier son contingent, affaiblissant du même coup la mission des Nations Unies. Et peu de temps après, alors que les rues de Kigali ruissellent de sang, le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution prévoyant de réduire de façon significative les effectifs de la MINUA, alors même qu'il aurait fallu la renforcer pour neutraliser les assassins. Et comment expliquez-vous tout cela? La lâcheté et la peur. Aucun État n'a eu envie d'envoyer ses soldats se faire tuer. Ce qui a été déterminant, c'est l'attitude des États-Unis. Les Américains, douchés par leur récent échec en Somalie, n'avait pas du tout envie d'envoyer des GIS au Rwanda. Et puis, peut-être souhaitait-il qu'on laisse faire le FPR. Une intervention internationale aurait certainement gêné leur progression qui était rapide. Oui, pendant ce temps-là, les Hutus continuaient à massacrer. Autre initiative regrettable. Quelques jours plus tard, toujours au Conseil de sécurité, notre représentant s'oppose à ce que le massacre des Tutsis soit qualifié de génocide. Mais je crois me souvenir que très peu de temps après, cette position changera. Hein. Vous voulez parler de l'opération turquoise? Ah oui, effectivement. Ouais. Mais de longues semaines se seront écoulées. Et peu à peu, la communauté internationale aura pris la mesure de l'événement. À la mi-mai, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies fait volte-face. il est décidé d'envoyer plus de 5000 casques bleus au Rwanda. Cependant, les pays sollicités pour fournir des troupes tergiversent. Encore du temps perdu. Et soudain, à la mi-juin, François Mitterrand prend la décision de faire intervenir nos troupes et de monter une opération humanitaire. Pour pallier les hésitations de l'ONU ? Oui, pour lui, il y a urgence. C'est même une question d'heure. Mais il y a maintenant plus de 2 mois que le génocide a commencé. Alors pourquoi cette hâte soudaine ? Je crois qu'il faut reconnaître au moins cela à Mitterrand. Les nombreux rapports qu'il a reçus sur le génocide rwandais ont dû le frapper, peut-être même le bouleverser. Il considère donc que notre pays doit agir et sauver ainsi l'honneur de la communauté internationale. Oui, mais peut-être d'autres raisons moins avouables. Oui, oui, de plus en plus, la France est accusée d'être co-responsable du génocide. Par conséquent, en organisant tout seul une opération humanitaire, notre pays veut redorer son blason. Et effacer ses fautes passées. Toutefois, certains esprits critiques invoqueront une autre raison. L'opération turquoise n'aurait eu pour but que de permettre aux Hutus d'échapper à leurs ennemis Tutsis. Bref, la France aurait agi pour préserver de la déroute et de la prison les responsables du génocide. Mais sur quelle base on a établi cette construction alors ? Lorsque les soldats de Turquoise arrivent au Rwanda, via le Zaïre, les tueries de masse ont presque cessé. Bien sûr, ils vont sauver de nombreuses vies tutsis, surtout dans le sud du pays, mais l'essentiel de leur travail va consister à prendre en charge la population hutu qui fuit devant l'avance du FPR et à l'acheminer dans des camps installés à la frontière zaïroise. Or, parmi cette population en fuite, se cachent les assassins. Bien entendu. D'accord, mais alors, les soldats français étaient-ils en mesure, étaient-ils capables de faire la différence entre les innocents et les victimes ? Oh, certains, à coup sûr. Pourquoi ? Nombreux parmi ces militaires étaient des anciens de l'opération Norrois. Ils connaissaient donc les militaires et les miliciens rwandais puisqu'ils les avaient entraînés. C'était les assassins. Hein ? Oui, les assassins qui racontaient d'ailleurs bien volontiers les massacres auxquels ils avaient pris part. Pourquoi ? Ces aveux quand même pouvaient être dangereux. Sans doute. Mais ces Hutus avaient une entière confiance dans nos soldats tant ils étaient persuadés que la France les avait envoyés pour les sauver et combattre les Tutsis. On en a vu qui brandissaient des pancartes sur lesquelles ils avaient écrit « Vive Mitterrand ». C'est-à-dire qu'ils pensaient toujours que, au fond, la France était leur allié. Mais ça en dit long sur notre implication dans ce drame. Je dois dire que cette opération turquoise sera un grand choc pour beaucoup de nos soldats. Ces militaires qui avaient déjà séjourné au Rwanda, qui avaient fraternisé avec les militaires rwandais, se rendaient surtout compte qu'ils avaient contribué à former des tueurs. Mais pensez-vous que l'opération turquoise dissimulait une volonté de soustraire nos anciens alliés à la vengeance tutsi ? La tentation a dû exister, car les dirigeants hutus qui se sont échappés grâce à l'intervention française pouvaient être aussi des témoins très gênants. Très gênants pour la France. Naturellement. Ça, ouais. Il n'était donc pas inutile de permettre aux plus voyants d'entre eux de se cacher. Mais la priorité, c'était l'humanitaire, comme on dit aujourd'hui. La situation est devenue rapidement catastrophique dans les camps de réfugiés installés au Zaïre, à Goma et à Bukavu. La France, aidée par les ONG présentes sur place, a dû parer au plus pressé. Songez qu'à un moment, on comptait 5000 morts par jour dans les camps. Donc on ne peut pas nier l'aspect humanitaire. En aucun cas. Et puis réfléchissez, que se serait-il passé si nos soldats n'avaient pas pris en charge tous ces réfugiés ? Ces gens-là auraient risqué d'être massacrés à leur tour par les vainqueurs, c'est-à-dire les Tutsis désireux de venger leurs frères assassinés. Alors, fallait-il ne pas les prendre en charge au prétexte que parmi eux se trouvaient des tueurs ? D'ailleurs, on sait maintenant que de nombreux crimes de guerre ont été perpétrés par les vainqueurs Tutsis. Ah oui, c'est une vengeance malheureusement quasi inévitable. Alors, autre question quand même. À partir du moment où les Hutus se trouvaient dans des camps de réfugiés, on pouvait trier le bon grain de l'ivraie, si je puis dire. Est-ce que ça a été fait ? Pas vraiment par les Français. Il faut reconnaître que nous ne serons pas parmi les plus zélés à fournir informations et documents au tribunal pénal international qui sera installé à Rocha. Cause du passé ? Probablement. De la même façon, la France ne se pressera guère de reconnaître ses responsabilités. D'autres pays ont reconnu leurs erreurs dans cette affaire. Hein ? Les Belges ont été les premiers. Et ils ont mis en évidence que dès le printemps 92, c'est-à-dire 2 ans avant le génocide, des informations précises leur étaient parvenues qui faisaient état de la préparation programmée de l'extermination des Tutsis. Et pendant ce temps-là, enfin, nous, Français, nous entraînions les futurs assassins. Oui, même les Américains ont fait leur mea culpa. Et Madeleine Albright a admis que Washington avait tout fait pour que le mot génocide ne soit pas employé devant le Conseil de sécurité. En effet, si le génocide avait été reconnu, l'intervention internationale aurait été presque automatique. Alors, les Américains aussi se reconnaissent une part de responsabilité. Absolument. Alors pourquoi pas la France, qui était autrement impliquée? Il faut ajouter, selon le rapport rwandais rendu public cet été, que pendant l'opération turquoise, des soldats français se seraient rendus coupables de viols et d'autres exactions dans les camps de réfugiés. Aussi, j'emprunte la conclusion de ce dossier au grand reporter Patrick de Saint-Exupéry, qui écrit ceci à propos du rapport rwandais dans un numéro de Libération du mois d'août dernier. Dans l'ensemble, la charge est violente et nourrie. Plusieurs points peuvent porter à discussion, mais la lecture du rapport laisse un sentiment amer où l'effarement se mêle au dégoût. Réplique au réquisitoire du juge Bruguière, le travail de la commission rwandaise place Paris au pied du mur. Le simple démenti, tant les éléments sont nombreux à défaut d'être avérés, ne peut suffire. Quant à ne pas répondre, comme cela fut le cas pour Kigali, mis en cause par le rapport Bruguière, ce serait courir le risque d'avaliser. 14 ans après le génocide, l'épreuve de force politique est portée à son paroxysme, ce génocide que François Mitterrand avait un jour qualifié de sans importance n'a pas fini de tarauder les consciences. Saint-Exupéry a publié en 2004 aux éditions des Arènes l'insoutenable La France au Rwanda. Et je vous rappelle aussi le livre de Pierre Péan, Noir Fureur, Blanc Menteur, aux éditions des Mille et Une Nuits, ainsi que l'enquête sur les origines du génocide de Gabriel Périès et David Servenet, paru l'an dernier à la découverte Une guerre noire. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et obtenir des renseignements. Et...